بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب قواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد وما زلنا في دراسة القاعدة الأولى في القواعد في الأدلة في أدلة النصوص أو أدلة في القواعد في أدلة الأسماء والصفات الأسماء والصفات وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قال فيه ودليل هذه القاعدة السمع والعقل قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دل على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى. Donc là, on a fini la lecture de la première règle. Donc là, on a avancé pour terminer la lecture de la première règle. Donc ensuite, l'auteur, après nous avoir enseigné ce qu'on a appris dans les assises précédentes. Donc aujourd'hui, on va avancer, Inch'Allah. Donc on est toujours dans la première règle concernant les règles liées aux preuves, liées au texte concernant les noms et les attributs. Concernant les noms et les attributs. Et on avait appris dans cette première règle que nous devons affirmer comme attribut ce qu'Allah Azzawajal s'est lui-même affirmé dans le noble Coran. Et ce que son envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna. Et nous devons nier ce qu'Allah s'est nié pour lui-même ou bien ce que son envoyé a nié pour Allah subhanahu wa ta'ala comme attribut. Ensuite, l'auteur nous a enseigné que lorsqu'on n'a ni affirmation ni négation dans les nobles textes, dans les textes sacrés, dans le Coran, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un attribut n'est ni affirmé ni nié, on a dit là on s'abstient, on doit s'abstenir. Ni on affirme le terme, ni on ne le nie. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas affirmé dans les textes et il n'est pas nié dans les textes. Pour cela, on doit s'abstenir. C'est ce qu'on a appris dans les leçons précédentes. Taïb. Donc on va continuer, Inch'Allah. Dans ce qu'on a dit précédemment, ensuite, l'auteur nous a donné des exemples, par exemple, d'attributs qui ne sont pas affirmés dans les textes, ni confirmés. Ce n'est pas affirmé dans le Coran et la Sunna, ni c'est nié. Et donc, dans ce cas-là, on a dit, on s'abstient. Ni on affirme, ni on nie. Le fait de ne pas affirmer, ça c'est clair, on ne peut pas l'affirmer parce que ce n'est pas affirmé dans les textes. Par contre, pourquoi ne pas nier ? Puisque l'auteur dit « La nuthbit wa la nanfi ». Pourquoi ? Alors, on doit ni affirmer, ni nier. Ici, la question est pourquoi ne pas nier ? Ou pourquoi ne pas nier. Il dit « La nastater an nanfiyaha ». Donc, si on doit ni affirmer, ni nier. Parce que ni l'affirmation, ni la négation est venue dans le texte comme on a appris dans ce qui a précédé. Donc ne pas affirmer, c'est clair, parce que c'est pas affirmé. Maintenant, pourquoi ne pas nier ? Il dit, la nastater an nanfiha, parce qu'on ne peut pas nier. Mais pourquoi on ne peut pas nier ? Il dit, li annana idha nafaynaha falabudda min ilm, wa idha kana kadhalik falaysa indana ilmun. Il dit pourquoi ? Parce que si idha nafaynaha falabudda min ilm, si on nie, il nous faut, pour pouvoir nier, une certaine connaissance. On nie parce qu'on a la connaissance qu'il faille nier. Mais il dit, on n'a pas cette connaissance-là. De ce fait, il dit, on ne peut pas nier. Pourquoi ? Parce que nier sous-entend qu'on ait la connaissance. Que cela, il faut le nier. Mais il dit, laysa indana ilmun fanastafsilu fil marna, walhamdulillah. Et du fait qu'on n'a pas la connaissance, alors on demande au sujet du sens. On demande par l'affirmation de cet attribut, qu'est-ce qui est voulu ? Donc il dit, on demande. Walihada fal ashya allati tastalzimu an-naqs fananfiha wa in lam yunass 'alayha. فمثلا لو قال قائل. Ensuite, il va donner des exemples, nous on va avancer. Il dit, c'est pour ça que on demande le sens. Si le sens implique un manquement, une diminution, une déficience, une imperfection, alors on nie. On nie ce sens-là. Si en demandant détail sur le sens, ce sens-là sous-entend ou implique imperfection, alors il dit dans ce cas-là, on nie cela. On va continuer ensuite, l'auteur après qui nous a enseigné cela dans la même règle, il va dire ce qui prouve, ce qui indique ce qu'il a mentionné précédemment, c'est indiqué dans les textes scripturaires, c'est-à-dire les preuves textuelles, et dit les textes aussi rationnels. Pardon, les preuves rationnelles. Et dit cela est indiqué aussi bien dans les textes ou les preuves textuelles ou bien les preuves rationnelles. Et il dit justement, après nous avoir cité ce qu'on a lu précédemment, donc on va lire la traduction, Inch'Allah. Taïb. L'auteur dit la preuve concernant cette règle. Donc vous avez compris, la preuve concernant cette règle, la première règle liée au texte, il dit, au texte d'attribut. Il dit la preuve, première preuve, ou plutôt la preuve concernant cette règle, vient des nobles et des textes sacrés. Il dit du Coran et de la Sunna, et de la raison. Quant au Coran et la Sunna, il y a tant autres la parole Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Traduction relative du sens du verset. Ceci est un livre. Nous l'avons fait descendre en tant que bénédiction. Suivez-le et craignez. Certainement, il vous sera fait miséricorde. Donc ça, c'est le premier verset qu'a mentionné l'auteur. Ensuite, il mentionne un autre verset où Allah Azza wa Jal dit, donc regardez, hein, concentrez-vous bien, les textes qu'il cite, là, les preuves qu'il cite, c'est des preuves concernant cette règle qu'on a apprise. Le deuxième verset qu'il a cité, c'est le verset فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dans la traduction native du sens du verset qu'on a lu tout à l'heure, craignez Allah et son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en sa parole, suivez-le certainement, vous serez guidé. Donc là, vous avez pu comprendre que on voit à travers ces versets qu'il faille suivre Allah Azza wa Jal et son messager. Entre autres, regardez ici, l'auteur, pourquoi il cite ce verset? Puisqu'il est dit, croyez en Allah et son messager. Et qu'est-ce qu'on a appris, nous, dans cette règle? D'affirmer ou nier comme attribut ce qu'Allah Azzawajal s'est affirmé ou nié pour lui-même. Ou bien ce que son envoyé a affirmé ou nié pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, à présent, l'auteur nous cite les preuves qui indiquent cette règle. Et ça, c'est très pertinent. Pourquoi? Puisqu'on a appris une règle. Si maintenant cette règle, on l'a bien apprise, elle est bien assimilée, maintenant on apprend les preuves. Donc quelle est la preuve qui indique que nous devons affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même ou ce que son envoyé est affirmé pour Allah? Ou bien nier ce qu'Allah Azzawajal a nié pour lui-même ou bien ce que son envoyé a nié pour Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la preuve? Là l'auteur nous cite certaines preuves textuelles, c'est-à-dire dans le Coran. Ensuite il nous citera des preuves rationnelles qui indiquent cela, c'est-à-dire le bien fondé de cette règle. Alors le deuxième verset, c'est celui-ci, une traduction relative. Croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en sa parole, suivez-le, certainement vous serez guidé. Dans un autre verset, Allah dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ fantahu. Et ce que le messager vous apporte, Allah nous dit, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. L'auteur ensuite a cité un autre verset. Traduction relative. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Celui qui, traduction relative du sens, celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Mais celui qui se détourne, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme protecteur. Ensuite, l'auteur a cité un autre verset aussi, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Regardez, Allah nous dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Si vous vous disputez au sujet d'une chose, référez-la à Allah et à son messager. Si vraiment vous avez cru en Allah et au jour dernier. Ceci est la meilleure et la plus belle interprétation. Ensuite, l'auteur nous cite un autre verset aussi. Où Allah Azza wa Jalla nous dit وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Une traduction relative du sens du verset. Et juge entre eux avec ce que Allah a fait descendre et tu ne dois pas suivre tes passions. Ou leurs passions, pardon. Regardez ce que va dire maintenant l'auteur. Il dit, l'auteur, il y en a d'autres qui spécifient l'obligation de croire à ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna. Donc vous avez compris, là l'auteur nous a cité quelques textes, quelques passages du noble Coran, où il y a le commandement d'obéir à Allah et son messager. Et donc, si tu t'interroges, quelle est la preuve que, en ce qui concerne les attributs d'Allah, tu dois affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même et ce que son envoyé a affirmé pour lui. Ça, parmi les preuves qu'on a entendues et on vient de lire, ça fait partie des preuves sur cette règle-là qui est très importante. Regardez ce que va dire l'auteur ensuite. Il dit, Shaykh Ibn Uthaymeen, il y a d'autres qui spécifient l'obligation de croire à ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna. Et il y a d'autres textes encore, d'autres preuves, d'autres passages dans le Coran qui indiquent l'obligation du fait de croire ce qui est rapporté dans le Coran et la tradition prophétique. Tout texte spécifiant l'obligation de croire en ce qui est rapporté dans le Coran signifie par là même l'obligation de croire en ce qui est rapporté dans la Sunna. Et là, Cheikh, il fait allusion à quelque chose de très important. Il dit, lorsque Cheikh, l'auteur dit, dans son œuvre, tout texte, c'est-à-dire tout verset ici, spécifiant l'obligation de croire en ce qui est rapporté dans le Coran, ça signifie, par là même, l'obligation de croire en ce qui est rapporté dans la Sunna du prophète, car il y a dans ce qui est rapporté dans le Coran l'ordre de suivre le messager. L'ordre de suivre le messager et de se référer à lui en cas de dispute. Se référer à lui, au messager d'Allah, il dit, signifie se référer à lui durant sa vie, mais après sa mort, se référer à sa sunna. Durant son vivant, les gens, les compagnons à l'époque, devaient se référer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais après sa mort, le fait de se référer à sa sunna. Alors l'auteur ensuite dit, où est la foi en le Coran de celui qui est orgueilleux à vouloir suivre le messager, alors que s'y référer est ordonné dans le Coran. C'est-à-dire que l'auteur ici sous-entend, fait allusion par exemple aux coranistes, à ceux qui adhèrent aux partisans de la doctrine des coranistes, qui pensent qu'il faille prendre que du Coran. Et de ce fait, ils délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, pour cela, l'auteur a dit, tout texte spécifiant l'obligation de croire ce qui est rapporté dans le Coran signifie par là même l'obligation de croire ce qui est rapporté dans la sunna. Et donc, c'est indissociable. C'est pour cela qu'il a cité les versets où Allah Azza wa Jal dit فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Regardez dans le verset, Allah dit, si vous êtes en dispute, faites revenir cela à Allah et son messager, littéralement. À Allah et son messager. Dans d'autres versets, et obéissez à Allah et son messager. Et dans le verset, wa ma atakum ar-rasoul, ce que vous a rapporté le prophète, prenez-le. Ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Donc on voit à travers ces textes-là, à travers ces preuves, qu'on ne peut pas se contenter de prendre du Coran et délaisser la tradition du prophète, sallam, car c'est contredire l'ordre qu'il y a dans le noble Coran. C'est pour ça que l'auteur, regardez, il dit, là vous allez mieux comprendre sa parole, où est la foi en le Coran de celui qui est orgueilleux à vouloir suivre le messager, alors que s'y référer est ordonné dans le Coran. Se référer à la tradition du prophète, à la sunna, est ordonné dans le Coran. Pour cela, dans cette règle-là, qui nous intéresse ici, cette première règle qu'on a étudiée, tout, pour ça que les savants disent la règle, tout ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, ou bien ce que son envoyé, le prophète, a affirmé pour Allah comme attribut. Comme attribut. L'auteur ensuite dit, où est la foi en le Coran de celui qui se soumet pas, ou plutôt pour celui qui soumet pas sa dispute au prophète sallam, alors que Allah en a donné l'ordre dans le Coran. Et dit, regardez, où est la foi, c'est-à-dire en le Coran, où est la croyance en le Coran pour celui qui soumet pas sa dispute à Allah et à son messager, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné dans son livre. Il dit ensuite, où est la foi au prophète ordonné par le Coran pour celui qui n'accepte pas ce qui est rapporté dans sa sunna. Remarquez bien, est-ce que la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam est ordonnée dans le Coran? Croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est ordonné dans le Coran? Il n'y a pas de doute. Personne ne pourra dire que croire au prophète n'est pas ordonné dans le Coran. Personne ne peut stipuler cela. Remarquez bien, l'auteur dit, où est la foi en le prophète qui est ordonné dans le Coran pour celui qui n'accepte pas ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour ça, croire au Coran, à l'ordre d'Allah azza wa jal, ça nécessite, ça implique croire à ce qu'a rapporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'ensuite l'auteur a cité le verset وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et ensuite, il cite le passage lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ. Et le jour où on enverra pour chaque nation un témoin parmi eux, un témoin parmi eux, وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, le prophète viendra en tant que témoin parmi eux. Et le prophète sera témoin. Allah Aula contre eux. Wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil-muslimin. La fin du verset. Et dans un autre verset, nous avons fait descendre sur toi le livre afin d'expliciter toute chose. Regardez, remarquez bien dans ce verset, nous avons fait descendre sur toi le livre afin d'expliciter toute chose, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, l'auteur termine cette règle en disant, il est connu qu'un grand nombre de points de la religion, que ce soit des informations ou des pratiques, leur explication se trouve dans la sunna. Leur explication par la sunna fait partie de l'explication du Coran. Quant à la raison, donc là, c'est en ce qui concerne les preuves textuelles, scripturaires. qui prouve que on affirme ce qu'Allah azzajal s'est affirmé pour lui-même, est-ce que son envoyé est affirmé pour Allah? Ou bien aussi, on nie ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut, et on nie ce que l'envoyé d'Allah azzajal a affirmé pour Allah, ou a nié plutôt comme attribut. Donc là, on a cité des preuves textuelles qui indiquent ce qu'on vient de mentionner dans cette règle. En ce qui concerne la raison, les preuves rationnelles, il dit, nous disons que pour détailler le discours concernant ce qui est obligatoire ou interdit, ou bien ce qui est permis lorsqu'il s'agit du droit d'Allah, parmi les choses de l'invisible qu'on ne peut percevoir avec la raison, il convient pour cela d'avoir recours à ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna. Et ça, c'est une preuve rationnelle. Regardez, tout simplement, il termine en disant, la preuve rationnelle est que ce qui fait partie du monde de l'invisible pour nous, du monde de l'inconnu, ce qu'on ne peut concevoir, ce que la raison humaine ne peut concevoir. Pourquoi ? Parce que sa raison est limitée et l'être humain n'a pas la connaissance de la science de l'ghaib, de l'invisible. Seul Allah Azzawajal est détenteur de la connaissance de l'ghaib. Donc, dans ces choses qui font partie du droit du Créateur, parmi les choses de l'invisible, qu'on ne peut percevoir par la raison, alors qu'est-ce qu'il convient de faire ? Il convient de se référer au Coran et à la Sunna, de se référer au texte et au noble sacré, au texte sacré. Voilà comme il termine cette première règle. Donc l'auteur, par cela, il termine la première règle. Bien sûr, dans le commentaire, l'auteur va détailler aussi bien les versets, il va les expliquer, les versets, puisqu'il a mentionné différents versets dans la fin de cette règle, et ensuite, dans son commentaire, il va poser différentes questions liées à cela. Mais en ce qui concerne, alhamdoulilah, cette règle-là, on a fini la lecture de la première règle. C'est pour ça qu'il dit, par rapport à ce qu'il a cité précédemment, c'est pour ça qu'il dit « Intabi ila hadhihi al-qa'idati allati ahmalaha al-qur'aniyun ». Donc il dit « Prends bien connaissance et fais attention à cette règle-là qui était négligée par les coranistes ». لأن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il avait fait un très beau rappel, parce que les gens se sont divisés en trois catégories. Il dit ceux qui sont nommés Al-Qur'aniyun, les coranistes, ceux qui ne prennent que du Coran. Il dit deuxième catégorie As-Sunniyin, ceux qui prennent de la Sunna. Et troisième, Ahlul Haqq, les gens de la vérité. Les gens de la vérité. فَالْقُرْآنِيُّونَ يَقُولُونَ لَا نَأْخُذُ إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ. Il dit, les coranistes, eux, prétendent ne prendre que ce qui est rapporté dans le Coran. Eux, ils se restreignent à prendre ce qui est rapporté dans le Coran. وَالسُنِّيُّونَ, et ceux qu'ils nomment ici Sunniyun, c'est ceux alladhina ya'maluna bis-sunnah. C'est ceux qui œuvrent conformément avec la sunna, wa yajtahiduna fi tahqiqiha wa tahririha. Et sont fervents et font des grands efforts sur la pratique et la compréhension de la sunna. Walakin la ya'rifuna al-Qur'an. Mais eux, leur manquement est dans le fait qu'ils ne connaissent pas le Coran et font pas d'efforts dans l'apprentissage et la connaissance du Coran. فَلَوْ سَأَلْتَهُ عَنْ مَعْنَى فَلَوْ سَأَلْتَهُ عَنْ مَعْنَى آيَةً صَعُبَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْهَمَهَا. De sorte que si tu lui poses une question, il dit, sur le sens d'un verset, il sera très difficile pour lui d'y répondre. Pourquoi ? Parce que lui, il se concentre que sur la sunna et a négligé al-kitab, et a négligé le Coran. لَكِنْ تجده يكدح ليلا ونهارا في تحقيق السنة من حيث السند ومن حيث المعنى ومن حيث اللغة و ولكن في القرآن ما عنده شيء والوسط هو العناية بالقرآن والسنة. Donc il dit celui-ci, il va passer justement énormément de temps, la nuit, le jour, dans la compréhension de la sunna en délaissant le Coran. Il dit, ce qu'il faille, c'est al-wasat, c'est le juste milieu. De ne pas négliger le Coran et de ne pas négliger la sunna. De ne pas négliger aussi bien le Coran et la sunna. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بالقرآن فإنه يدل على وجوب الإيمان بالسنة. Et il conclut en disant que c'est pour ça que, enfin, il conclut, on va conclure nous avec cela. Il dit c'est pour ça que tout texte qui indique l'obligation de croire au Coran s'indique forcément l'obligation de croire en la sunna. S'indique forcément l'obligation de croire en la sunna. Donc ici l'auteur nous fait un rappel aussi bien sur le fait de ne pas prendre que du Coran, comme c'est le cas des coranistes, mais aussi de ne pas délaisser le Coran et ne prendre que de la sunna. Et se concentrer sur la sunna en négligeant le Coran. Le juste milieu, c'est d'accorder une attention immense au Coran et une attention grande aussi à la sunna. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم